Je m'appelle Jules. Je suis français. Je suis professeur. Et vous? Je m'appelle Bao. Je suis chinois. Je suis étudiant.